Bien, la corporation Cisco qui accepte d'acheter les propriétés des résidents du quartier sud de Malartic. La soixantaine de résidents se dit incommodée par le bruit, par la poussière également qui proviennent du terrain de la minière Cisco, terrain donc adjacent à leur résidence. Il y a de ces citoyens mécontents qui se sont présentés hier à la séance du conseil municipal pour justement exposer leur doléance au maire André Vezeau. Et je discute de la situation avec Brian Coates qui est vice-président aux finances auprès de la corporation minière Cisco. Monsieur Coates, bonjour. Bonjour. Ce qu'on apprend donc cet après-midi, c'est que la corporation minière accepte d'acheter les domiciles, mais quand même pas de déplacer ou de reloger les résidents. Pourquoi? En fin de compte, premièrement, nous avons élaboré un long processus auparavant pour la relocalisation des maisons au-dessus du gisement. Dernièrement, les gens sont venus nous rencontrer, les résidents ont manifesté une demande auprès de nous pour soit une compensation ou une demande qu'on acquiert leur résidence. Nous sommes prêts à les accommoder. Notre préférence est quand même que les gens demeurent dans le quartier et nous permettent de compléter le mur vert parce que qui est aujourd'hui à une hauteur de 5 mètres et qui va avoir une hauteur ultime de 15 mètres. Et nous croyons que cette mesure d'atténuation-là va régler beaucoup des inquiétudes des gens. Entre-temps, nous, qu'est-ce qu'on voit, c'est on est à l'écoute de la population, on est prêt à travailler avec les résidents de Malartic qui sont situés dans un triangle du quartier sud. Mm-hmm. Pour voir si on peut en venir à une entente. Mais nous n'avons aucune intention d'entamer un autre processus de relocalisation sur l'échelle qu'on a fait lors de l'établissement en 2008 et 2009. Le rachat donc des domiciles, vous allez procéder comment d'abord pour déterminer le prix que vous allez consentir à payer pour ces résidences-là? Et en fin de compte, c'est là où est-ce qu'on a discuté avec la population, avec les représentants, les gens qui nous ont rencontrés, et on a aussi élaboré ça hier. Pour nous, la seule façon qu'on peut acquérir ces maisons-là, c'est de négocier de gré à gré. Comme vous le savez, chaque situation est particulière. On ne voit pas comment qu'on pourrait avoir un autre processus que de négocier gré à gré. Il y a une citoyenne dernièrement en entrevue, une résidente de ce quartier sud, donc de Malartic, qui nous disait que le comité de citoyens mécontents souhaitait obtenir un dédommagement d'au moins 10 000 $ par résident de chaque domicile. Est-ce que ça nous donne une idée des montants peut-être que vous allez consentir à payer? Et comme on a encore répondu à cette demande-là, il nous a été demandé 10 000 $ par citoyen. Nous avons fait une offre de 4 000 $ par résidence, évidemment, dans le quartier. C'était une pétition des gens qui étaient venus nous voir. Oui. On s'est assis avec eux, on a expliqué la situation, on a fait notre offre. Malheureusement, à date, personne n'a manifesté un accord sur cette proposition-là. Est-ce qu'il y a déjà des ententes qui sont survenues? Vous parlez d'ententes qui se feront de gré à gré avec les résidents. Est-ce que déjà des ententes sont survenues? Il y a eu des discussions à date. Il y a eu des offres qui ont été faites, qui n'ont pas été acceptées. Deux résidents nous avaient demandé qu'on évalue l'opportunité d'un achat de leur résidence. On a envoyé un représentant, un professionnel d'évaluation. Malheureusement, les gens ont décidé de cesser ce processus-là. Alors, pour nous, ces deux dossiers-là sont maintenant clos. C'est ça, parce que vous dites que vous avez fait des offres qui ont été refusées. Donc, tout n'est pas terminé. Tout ne sera pas si facile, finalement, pour clore le dossier. Comme vous savez, toutes les discussions qu'on a, des ententes avec les gens en diverses parties, que ce soit au CISCO ou d'autres parties, c'est toujours assujetti à une négociation. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit quand même, c'est qu'on est prêt à regarder si on était capable d'accommoder les gens. Notre approche est une approche très transparente, directe. Mais si on ne peut pas venir à une entente, en fin de compte, on ne peut pas forcer les gens à nous vendre et non plus, ils ne peuvent pas nous forcer à les acheter. Monsieur Côte, pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi de déplacer, de reloger ces résidents-là en même temps que la première vague de déplacement des citoyens? Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on a élaboré dans notre projet? C'était un projet qui avait 205 résidences affectées. Et ensuite, on avait établi un plan où est-ce qu'un mur vert serait construit. Malheureusement, en raison de ne pas avoir été capable de compléter ce mur vert-là à l'hiver et au printemps, en raison d'une résidence qui était toujours dans le secteur, ça a affecté la construction. Qu'on a encouru des délais sur la construction de ce mur vert-là. Nous croyons que le mur vert va remplir ses exigences et va fonctionner comme il a été dessiné par nos experts et qui est une mesure d'atténuation qui va quand même permettre aux résidents qui demeurent dans ce quartier-là d'avoir un beau quartier. On a quand même établi une piste cyclable, on est en train de bâtir des alcôves et le mur. Pour nous, personnellement, on croit qu'il est trop pour que les gens lancent la serviette sur cette mesure-là, parce qu'on croit que ce quartier-là va aussi devenir un beau quartier pour les résidents de Malartic. Et ce mur vert, à quand, donc, le début de la construction? Et la construction a été entamée. Il y a déjà 5 mètres d'élévation. L'élévation ultime est de 15 mètres, ce qui est un tiers complété. On croit qu'il devrait être complété entre 60 et 75 jours d'aujourd'hui. Et nos gens travaillent, notre équipe de construction et de développement travaille assidûment à compléter cette tâche-là. Monsieur Brian Coates, je rappelle que vous êtes président aux finances auprès de la corporation minière Osisko. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, bonne journée. Au revoir.